Chapitre 10. Un joyeux retour. Le mardi soir, M. Desnoux tomba anéanti sur une chaise quand, à peine arrivé dans la salle à manger, sa femme lui eut raconté les événements de la veille. Quel beau voyage il venait de faire! Ah, s'il avait pu prévoir comme il serait resté, malgré les affaires qui l'appelaient à Caen! Et c'est le petit Laplace qui t'a appris cela? Comment le savait-il? Madame Desnoux, en rougissant, répéta ce que lui avait dit le gamin. Il l'avait vu se déshabiller. M. Desnoux ne s'attendait pas à cette révélation, mais il sut néanmoins faire bonne contenance. Il pâlit un peu, puis le sang lui monta à la tête. « Alors, il t'a dit cela en t'apportant les écrevisses ?»« Quelles écrevisses ?»« Non, t'avais-je pas dit de lui donner 15 sous ?»« Oui, je lui ai donné, mais comme tu m'avais prévenu que sa visite me ferait beaucoup de plaisir, quand il m'a appris où était mon pantalon, j'ai cru qu'il s'agissait de cela. » « Pas du tout, il devait t'apporter des écrevisses. Tu lui donnes 15 sous pour une commission comme celle-là, c'est un vaurien que le petit Laplace. Mais mon ami, cette fille nous a volés. » « Oui, mais ce gamin, pourquoi l'a-t-il dénoncé ? On ne doit pas se servir des bouchards. Tu as eu tort de faire arrêter ta lessivière. » « C'est Mignet qui l'a voulu. » « Ah, vraiment ? Eh bien, je vais le voir. » Et Madame Desnoux, qui ne comprenait rien à l'humeur de son mari, l'entendit avec stupéfaction grommeler en s'en allant. « Quel imbécile, quel crétin, se mêler de ce qui ne le regarde pas !» Le notaire était fort anxieux. Il savait maintenant que Jeanne l'avait trompé avec le petit Laplace, plus de doute possible. Mais pourquoi le gamin l'avait-il dénoncé? Voilà ce qu'il cherchait vainement. C'était d'autant plus grave que Jeanne ne devait pas savoir ce qui s'était passé. Certainement, elle allait croire que le notaire seul avait pu la faire arrêter. Lui seul le pouvait. Mais rien ne se trahissait de son trouble quand il arriva chez le mercier. « Eh bien, lui cria ce dernier dès qu'il entra, vous savez ce qui s'est passé ?»« Oui, et je viens vous demander ce qui va arriver. »« C'est bien simple, les gendarmes vous le diront. Mais vous me devez une fière chandelle, hein ? C'est moi qui me suis chargé de tout. Je l'ai fait arrêter. »« Mais je vous en suis très reconnaissant, mon cher Mignet. Soyez-en assuré. Pourtant, vous ne trouvez pas que l'affaire va trop loin ?» « Moi, pas du tout. »« Si, un peu. Ainsi, je vais être forcé d'aller avec ma femme déposer devant le tribunal de Pont-l'Évêque. Eh bien, c'est une dépense, cela, et qui dépassera le prix du pantalon. »« C'est possible, mon cher, mais le vice doit être puni. Et quand même il m'en coûterait les yeux de la tête, je n'hésiterai pas à faire poursuivre un voleur. Tout se tient, vous le savez. Si nous ne faisons pas coffrer les coquins, c'est nous, les honnêtes gens, qui en pâtirons. » « C'est juste, reprit le notaire. Cependant, le cas n'est pas grave. S'il s'était agi d'un vol, comme on en voit tous les jours, vol d'argent, d'objets, de bouteilles de vin, je n'hésiterais pas. Mais de quoi s'agit-il? D'un pantalon? » « Ce n'est pas comme dans tous les vols pour satisfaire des besoins que cette fille a volé, c'est sans but, très certainement. Une coquetterie. Les femmes ont des tentations. » « Une coquetterie, interrompit le mercier, elle est impardonnable. » « Était-ce pour mieux plaire au petit Laplace ?» Le notaire, à ce mot, sentit monter sa colère. « Vous avez décidément raison. Il faut la laisser où elle est, notre voleuse. Allons à la gendarmerie. » Et ils partirent tous les deux dans la rue de Valsemé. Les boutiquiers, devant leur porte, fumaient la pipe. Les femmes causaient entre elles. Voyant passer M. Desnoux avec le mercier, elles se turent. Et quand elles le virent frapper à la porte de la gendarmerie, s'entretinrent de l'affaire du pantalon. Le petit Laplace est rudement déluré, hein? Pas laid, ce gamin, mais précoce. Pour sûr. C'est dégoûtant quand on n'y pense pas, vrai? Fallait bien que ça soit un gamin, avec tout son chic. Elle n'est pas jolie, la Jeanne. Les hommes intervinrent alors. C'est-il la jalousie qui vous fait parler, la petite mère? Je ne la trouve pas si mal que ça. Oh, vous, vous n'êtes qu'un coureux. On vous connaît, et pas difficile encore. Cette aventure, dont les deux sous-inconnus venaient d'être mis à nu, avait remué le bourg. Une griserie en montait comme d'un flacon d'essence de rose subitement débouché. Et les cerveaux étaient surexcités. On ne parlait que du pantalon, de Jeanne et du petit Laplace. Les hommes trouvaient idiot que cette femme se fût donnée à un gamin. Les femmes trouvaient au fond le petit Laplace intéressant. Et cet épisode croustilleux, qui venait de rompre la banalité et la monotonie de leur vie, avait mis en rut inavouée tous les habitants de Valsemé. Le notaire et le mercier après avoir longtemps cogné à la porte de la gendarmerie de son lourd manteau de fer forgé, s'ennuyait de ne pas recevoir de réponse, et allait partir, quand une fenêtre s'ouvrit. « Qui est là ?» demanda une voix. « Monsieur Desnoux, » répondit le mercier. « Monsieur Mignet, » ajouta le notaire. « c'est bon, quoi que vous voulez. » Le notaire et le mercier se regardèrent les yeux interrogateurs. Comme des fenêtres s'étaient ouvertes de tous côtés à ce bruit inusité, ils n'osaient dire tout haut le motif de leur visite à la gendarmerie. Mignet cria « Vous ne pouvez pas descendre, nous avons à vous parler. » Et le gendarme, en chemise, coiffé d'un bonnet de coton, répondit « Impossible, on ne descend pas la nuit, c'est la consigne. »« Bon, » répondit le notaire, « nous reviendrons demain. » Et ils partirent. Les gens qui étaient devant les portes et aux fenêtres furent désappointés de ne rien savoir. Le notaire était inquiet. Quelle nuit allait-il passer? Voyons, se disait-il, Jeanne n'osera rien dire, si elle croit que le petit Laplace l'a dénoncé. Mais si elle croit que c'est moi, je suis flambé. Mais dès demain, je file à Pont-l'Évêque. Si je ne puis lui parler, je tâcherai de lui faire parvenir une lettre. Je lui expliquerai. C'est cela qu'il faut faire. Et comme il était plongé dans ses réflexions, « Tiens, monsieur Desnoux, monsieur Mignet !» C'était le maire, un peu allumé, qui se plaçait devant eux, barrant presque la route de son ventre énorme. « Bonjour, monsieur le maire !»« Ah, mon cher monsieur Desnoux, vous êtes content de nous, hein ?» Elle est arrêtée, la voleuse. « Figurez-vous que notre curé m'a dit... »« Comment, notre curé ?» interrompit Desnoux, qui ignorait leur réconciliation. « Oui, je suis remis, et à cause de cette affaire-là, je vous raconterai ça. » « Eh bien, le curé m'a dit comme ça, c'est des bêtises que d'avoir arrêté la fille, ça n'en valait pas la peine. Et pourtant j'avais voulu la faire poursuivre pour détournement de mineurs. » Desnoux n'avait pas de chance, décidément. Tout le monde lui parlait du petit Laplace, sans se douter que c'était enfoncé à chaque fois un clou sur un front. Car c'est là, au-dessus des yeux, que le sang affluait dans ces moments, occasionnant des douleurs intolérables. « Non, je lui ai dit à notre curé, reprit le maire, il est trop facile. Il me dit qu'il admet tout et que, les péchés portant avec eux leur punition, il est inutile de charger les pécheurs. C'est-y bien parlé, ça, c'est de l'évangile. » Desnoux donna la main au maire et au mercier, et prétextant une fatigue, partit. « Si les péchés portent leur punition, se disait-il, gare à ce qui va me tomber sur le dos. » En rentrant chez lui, il embrassa sa femme, enchantée de le voir rentrer, car elle commençait à être inquiète. « Eh bien, tu as vu Mignet ?»« Oui, nous saurons demain ce que cela va devenir. »« Tu es mécontent de ce qu'il a fait ?»« C'est fait, dit le notaire, couchons-nous. » Au fond, il était un peu fataliste.